l'espace, le vaste espace, les comptards sont morts ce soir. Il est notre tranquille s'endorme, les cantards sont morts ce soir. Les soleils de l'or de la rimage ont peur et se cachent dans le noir. Plus de rage, plus de carnage, c'est à nous la victoire. L'indomptable, le redoutable Brunière a tué ce soir. Sous mes ailes armées et belles, Sol Reine quitte mon territoire. L'espace, le vaste espace, l'ennemi est mort ce soir. Et nous autres puissants Octaviens, on va dormir ce soir.